Chapitre 17e. L'élection. Le grand jour des élections était arrivé. Combien de cœurs battaient à cette pensée? Être ou ne pas être membre du Parlement anglais n'est pas une question de peu d'importance. On a beaucoup parlé des inconvénients attachés à cet honneur tant envié par les ambitieux, des grandes dépenses qu'entraînent les candidatures, des longues heures de travaux qui ne rapportent rien, des ennuyeuses journées passées à la Chambre, et malgré tout cela, cet honneur vaut bien le prix que l'on paye pour l'obtenir. Il vaut n'importe quel prix, sauf la honte et le déshonneur. Quelle autre grande nation européenne n'offre rien de semblable à l'ambition de ses concitoyens? Aucune. Car dans aucun autre pays de l'Europe, pas même dans ceux qui sont libres, la constitution populaire ne donne à la nation comme en Angleterre la réalité de la souveraineté nationale. Il y a des hommes privilégiés par la naissance pour lesquels un siège au Parlement est une affaire toute naturelle. Habitués qu'ils sont à siéger à la Chambre, ils savent à peine ce que c'est que de n'en pas faire partie, et ils en apprécient rarement tout l'honneur. En général, ils ne comprennent l'importance de cette position que quand un revers politique vient les en priver. Mais pour ceux qui aspirent à être membres du Parlement, ou qui, ayant déjà eu le bonheur d'être élus, sont obligés de recommencer la bataille sans être sûrs du succès, le moment des élections doit être une époque d'anxiété. Quelle joie d'apprendre que le compétiteur, si longtemps redouté, a refusé le combat et que le champ est libre, ou bien que toutes les enquêtes préliminaires vous garantissent la majorité et que vous serez élu. M. Moffat n'éprouvait pas cette satisfaction le jour de l'élection du représentant pour Barchester. M. Netherwind, son infatigable agent, ne lui avait donné aucune assurance positive de succès à cet égard. On convenait de tous côtés que la lutte serait des plus acharnées et qu'il en coûterait cher au candidat qui l'emporterait sur son concurrent. M. Moffat ne pouvait s'empêcher de frémir en songeant au compte qu'il aurait à solder. Les deux partis avaient déclaré hautement, à l'envi l'un de l'autre, qu'ils étaient bien décidés à se conformer scrupuleusement à la loi et à ne pas recourir à la corruption. À la corruption! Qui eût osé vraiment recourir à la corruption et payer un vote argent comptant? Non! On avait la probité trop fière pour cela. Corrompre un électeur, acheter son vote, fi donc! Le scrupule irait plus loin. On ne paierait pas 200 votants en qualité de messager à raison de 20 shillings par jour pour en obtenir 400 autres. Il ne serait question ni de musique, ni de voiture, ni de ruban. Les électeurs voteraient purement et simplement par amour et par respect pour le candidat de leur choix. Voilà ce qui était proclamé bien haut par chaque parti. Ce qui n'empêcha pas que, dès les premiers jours, M. Moffat commençât à craindre que M. Netherwind ne lui préparât un assez gros mémoire. Il se rappelait celui qu'il avait fallu acquitter lors de sa première nomination, et il s'était demandé quelquefois s'il n'avait pas fait un marché de dupes. M. Moffat aimait beaucoup les honneurs, mais il n'aimait pas moins son argent, et c'était bien sincèrement qu'il déclamait contre la vénalité des élections. Aussi, lorsqu'en parcourant Barchester il avait vu les cabarets pleins, il avait désiré savoir si tous ces ivrognes étaient pour son adversaire. « Non, non, » avait répondu M. Netherwind d'un air de triomphe, « ils sont à nous. J'ai eu soin de mettre de notre côté tous les publicains de la ville. » M. Moffat avait soupiré sans oser faire aucune remontrance, car M. Netherwind lui avait été recommandé par Lord de Courcy comme le plus honnête de tous les agents d'élection. « Il est certain » que le jour décisif venu, un grand changement parut s'être opéré dans la moralité des candidats touchant la liberté des votes. Dès le matin, cette petite ville de Barchester, d'ordinaire si tranquille, avait été réveillée par des musiciens qui, certes, ne devaient ni jouer ni boire à leur compte. On vit arriver carrosses, cabriolets, omnibus, chars de toute espèce, qui emmenaient par centaines des votants tout aussi altérés que les musiciens et à qui l'on distribuait des rubans aux couleurs des candidats. Le rouge était la couleur de Sir Roger. Les partisans de M. Moffat avaient adopté le jaune. À cette époque, l'Angleterre hésitait entre la guerre et la paix. Valait-il mieux laisser les nations du continent vider entre elles leurs querelles ou intervenir pour mettre le holà, au risque de brouiller un peu plus les cartes? Sir Roger était du parti pacifique, et il avait adopté pour devise la paix au dehors et l'abondance au dedans. Cette devise était écrite en grandes lettres sur 4 ou 5 immenses bannières rouges que l'on promenait par toute la ville. M. Moffat, qui, comme le gouvernement, penchait vers les idées belliqueuses, avait pris pour devise l'honneur de l'Angleterre. Nous doutons cependant qu'il se trouvât à Barchester une seule personne, sans parler des électeurs, assez simple pour croire que l'honneur de l'Angleterre fût cher à M. Moffat, ou que l'abondance à l'intérieur dépendît de la nomination de Sir Roger. On avait eu aussi recours aux beaux-arts pour suppléer à ce que la parole avait d'insuffisant. Le malheureux défaut de Sir Roger n'était que trop connu, et l'on savait bien qu'en acquérant son titre de baronnet, il ne s'était pas départi du style de sa jeunesse. En conséquence, on avait peint sur la plupart des murs de la ville un terrassier, au visage rubicond et bourgeonné, debout sur un talus de chemin de fer, une pioche dans une main et une bouteille dans l'autre. « Allons, Jack, viens prendre une goutte. » Telle était la sentence que l'artiste faisait sortir de sa bouche, et de peur que le portrait ne fût pas trouvé assez ressemblant, on lisait au-dessous, en grosse majuscule, le nouveau baronnet. M. Moffat n'avait pas échappé non plus à la caricature électorale. On savait que l'antagoniste de l'ancien tailleur de pierre était le fils d'un tailleur d'habits, et les emblèmes de cette profession couvraient toutes les murailles disponibles. Quoique M. Moffat père eût fait de son fils un gentleman, il était représenté ici avec le carreau paternel, là avec les ciseaux, l'aiguille, prenant mesure à une pratique, taillant en plein drap, confectionnant en pantalon ou en gilet, allant porter son paquet en ville ou remettant son mémoire, et sous chacune de ces figures plus ou moins fidèles était répétée la devise « l'honneur de l'Angleterre ». Cependant, les électeurs exerçaient leurs privilèges sans trop se presser, et chaque parti établissait d'avance le résultat à sa manière. À 2 heures, le comité de Sir Roger marquait Scatcherd 275, Moffat 268. Tandis que les partisans de M. Moffat inscrivaient sur son tableau cette légère différence, Moffat 277, Scatcherd 269. À 2h30, les deux partis étaient d'accord pour convenir que M. Moffat avait le dessus. Ses partisans réclamaient une majorité de 12 voix, tandis que ceux de Scatcherd n'en admettaient qu'une. Mais vers 3 heures, plusieurs individus appartenant au parti du chemin de fer se frayèrent un passage en dépit des efforts d'une bande des plus rudes partisans de M. Moffat, et Sir Roger se retrouva à la tête d'une majorité de 10 ou 12 voix. Une petite circonstance qui s'était passée le matin mérite d'être rapportée. Il y avait à Barchester un honnête cabaretier, aussi honnête du moins que le comporte le nom de cabaretier. Ce publicain, non seulement avait le droit de voter, mais encore son fils jouissait du même droit. Son nom était Reddypalm. Avant d'être investi du droit de suffrage, M. Reddypalm avait été un libéral déclaré et l'ami de Roger Scatcherd, mais il avait compris toute l'importance de son privilège. Son cabaret était en apparence ouvert aux partisans de Sir Roger. La bière, du moins, y était généreusement distribuée aux rubans rouges qui entraient en trébuchant un peu et qui en sortaient en trébuchant davantage. Cependant, M. Reddypalm avait été sourd à la voix de l'enchanteur Klaus Hostile comme à celle de M. Netherwind. Son embarras était grand, prétendait-il. D'un côté, son amitié pour son ancien camarade, de l'autre, les égards qu'il devait à Lord Avery, dont les ancêtres avaient été les protecteurs de sa famille. Aussi finirait-il par ne voter ni pour l'un ni pour l'autre des candidats. M. Klaus Hostile avait cru comprendre le vrai motif de son indécision et lui avait envoyé recrue sur recrue de buveurs de bière. Il avait même réussi, non sans peine, à lui faire vendre, comme eau-de-vie française, 3 gallons d'eau-de-vie anglaise. Cependant, M. Reddypalm n'en paraissait pas mieux disposé, et la veille même de l'élection, il avait dit à un des intimes de M. Klaus Hostile qu'après y avoir bien réfléchi, il se croyait en conscience obligé de voter pour M. Moffat. Nous avons dit que M. Klaus Hostile était accompagné d'un jeune avocat de talent, M. Romer, qui prenait fort à cœur la cause de Sir Roger et s'employait activement à lui assurer des votes. Lorsqu'il apprit comment les choses se passaient chez l'honnête cabaretier, il résolut de vaincre ses scrupules et de prendre l'affaire en main. Le jour de l'élection, il alla donc de grand matin se promener devant l'auberge de l'Ours Brun, et ainsi qu'il s'y attendait, il trouva M. Reddypalm sur le seuil de sa porte. Il avait été bien arrêté qu'on ne ferait rien pour corrompre les électeurs. Tout le monde le savait, et M. Romer mieux que personne, puisqu'il avait rédigé plusieurs protestations à cet effet. Et il faut lui rendre justice. Il avait déclaré à plusieurs reprises qu'il ne se prêterait à aucune pratique illégale, mais il avait déclaré aussi que tant qu'on resterait dans les bornes prescrites par la loi, il ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour appuyer le parti de Sir Roger. « Eh bien, Monsieur Reddy Palm, » dit Monsieur Romer en lui donnant la main. Il n'avait pas été aussi circonspect que Monsieur Netherwind, car il avait bu plusieurs fois un verre d'ale à l'ours brun, dans l'espoir d'adoucir le farouche aubergiste. « Eh bien, comment les choses se passeront-elles aujourd'hui? Qui sera nommé ?»« Si quelqu'un doit le savoir, c'est vous, Monsieur Romer. Un pauvre diable comme moi n'entend rien à tout cela. Tout ce que je demande, c'est de débiter mes liquides et d'être payé. Vous le savez, Monsieur Romer. » « Oui, c'est là l'important pour vous, sans doute. Mais voyons, Reddy Palm, un ancien camarade de Sir Roger, un homme dont il parle comme d'un de ses plus intimes amis. Je ne comprends pas que vous hésitiez. De tout autre homme que vous, je dirais qu'il veut se faire payer son vote. Oh, Monsieur Romer, fi donc !»« Je sais bien que ce n'est pas le cas avec vous, et que ce serait vous insulter que de le supposer. Je n'en aurais même pas parlé. Mais puisqu'il n'est question d'argent ni d'un côté ni d'un autre, mon observation n'a rien de blessant pour vous. Monsieur Romer, c'est me blesser que d'en parler. Je sais trop ce que valent les privilèges d'un Anglais pour les vendre. Je ne voudrais pas m'abaisser à ce point, pas même si les vôtres étaient à 25 livres sterling, comme il y en avait dans le bon vieux temps, et dans un temps qui n'est pas si vieux. J'en suis bien sûr, Reddy Palm, j'en suis convaincu. Mais un honnête homme comme vous doit rester fidèle à ses anciens amis. Voyons. Et passant son bras sous celui de Reddy Palm, M. Romer entre avec lui dans la maison. « Voyons, répondez-moi franchement, je vous le demande en ami. Y a-t-il quelque chose qui cloche ?»« Je ne voudrais pas vendre mon vote pour une fortune, » dit Reddy Palm, qui savait sans doute qu'on ne la lui offrirait pas. « J'en suis bien sûr, » répéta M. Romer. « Mais, » reprit Reddy Palm, « on aime avoir soldé ses petits comptes. »« C'est très naturel, » dit l'avocat. Et j'ai bien juré, il y a 2 ans, quand votre ami, M. Claus Hostile, amena ici un de ses amis comme candidat, ce n'était pas Sir Roger, et que je fis tirer 2 ou 3 pièces d'ale pour eux, et qu'on me chicana pour le mémoire, dont on ne me paya que la moitié. J'ai bien juré, dis-je, que je ne me mêlerai plus des élections. Et je tiendrai parole, M. Romer, à moins que ce ne soit pour voter tranquillement pour le candidat du noble duc, sous le patronage duquel, moi et les miens, nous avons toujours vécu. « Ah !» fit M. Romer. « On aime avoir ses comptes payés, vous le savez, M. Romer. » M. Romer ne pouvait faire autrement que de reconnaître que ce sentiment était tout naturel chez un cabaretier. « C'est fort désagréable de ne pas voir ses comptes réglés, surtout au moment des élections, » répéta M. Reddy Palm. M. Romer n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir, mais il savait bien qu'au point où en étaient les choses, le vote de M. Reddy Palm et celui de son fils étaient d'une valeur inestimable. « S'il ne s'agit que de votre compte, » dit-il, « j'aurai soin de le faire régler. J'en parlerai à Claus Hostile. » « Très bien, » dit Reddy Palm en saisissant la main du jeune avocat et en la lui serrant vivement. « Très bien. » Et quelques heures plus tard, quand un vote de plus ou de moins devint une affaire de la plus haute importance, M. Reddy Palm et son fils se rendirent sur les lieux où les aspirants à la députation haranguaient les électeurs, et ils votèrent hardiment en faveur de leur ancien ami Sir Roger. On déploya une grande éloquence à Barchester ce jour-là. Sir Roger était assez remis pour pouvoir entreprendre la rude tâche de solliciter les suffrages et de haranguer les électeurs depuis 8 heures du matin jusqu'au coucher du soleil. C'était une guérison extraordinaire que celle de Sir Roger, dira-t-on. C'en était une, en effet, en ce qui regardait l'usage momentané de ses facultés morales et physiques, mais nous doutons qu'on puisse jamais se guérir radicalement d'une maladie comme la sienne. L'histoire de cette journée électorale ne dit pas quelle quantité d'eau-de-vie il absorba, ni quels en furent les tristes résultats pour lui. L'éloquence de Sir Roger était grossière, mais n'en était pas moins puissante sur les hommes qu'il cherchait à convaincre. L'aristocratie de Barchester consistait principalement en dignitaires ecclésiastiques, tels que l'évêque, les doyens, les chanoines, etc. Les discours de Sir Roger ne pouvaient produire grand effet sur eux. Ou ils s'abstiendraient de voter, ou ils voteraient pour le héros des chemins de fer dans le but d'éloigner le candidat des 2 coursiers. Puis venaient les boutiquiers, la petite bourgeoisie, sur laquelle l'éloquence de Sir Roger n'aurait aucune prise. La plupart de ses électeurs voteraient pour M. Moffat. Mais il y avait une autre classe, composée de petits tenanciers, qui étaient assez disposés à avoir une opinion à eux. et c'était sur cela que Sir Roger devait exercer quelque influence. « Maintenant, messieurs, » s'écria-t-il en élevant la voix et en se plaçant sous le portique qui ornait l'auberge du dragon de Wentley, où s'assemblait son comité, « Maintenant, messieurs, qui est M. Moffat et qu'a-t-il fait pour nous ?»« Depuis la semaine dernière, il y a eu des peintres dans la ville. Le Seigneur les connaît, quant à moi, je n'en puis pas dire autant. Ces artistes habiles nous disent qui je suis et ce que j'ai fait. Je ne suis pas très flatté de la manière dont ils m'ont représenté, quoiqu'il y ait certaines choses dont je n'ai pas honte. Voyez, et il étala un de ses portraits les moins flattés. Aidez-moi à le déployer, tandis que j'en donne l'explication. » Il tendit le placard à un de ses adhérents. « Me voilà, » dit-il en montrant, avec sa canne, le gros homme au nez bourgeonné. « Oui, me voilà, c'est bien moi. »« Hurrah, hurrah, vive Scatcherd ! Nous vous connaissons tous, Roger. Vous êtes un bon garçon. » Quand vous êtes-vous grisé pour la dernière fois ? Telles furent les paroles qui accueillirent son exorde, en même temps que quelqu'un lui jetait à la tête un chat mort qui lui eut l'adresse d'écarter avec sa canne. « Oui, » reprit-il, sans paraître ému par ce projectile qui avait été si près de l'atteindre, « me voilà. Et voyez, cette grande ligne brune et sale représente un chemin de fer et cet objet que je tiens à la main, pas à la main droite, j'en parlerai tout à l'heure. » Parlez-nous de l'eau de vie, Roger. J'y viendrai tout à l'heure. Chaque chose à son tour. L'objet que je tiens à la main gauche est une pioche. Or, je n'ai jamais manié une pioche. Je n'ai jamais su m'en servir. Mais, mes amis, j'ai manié le ciseau et le maillet. Des centaines de blocs de pierre sont sortis taillés de cette main. Et Sir Roger montrait sa large main. C'est vrai, Roger, et nous nous le rappelons bien. Cette pioche, cependant, indique que j'ai fait ce chemin de fer. Je suis très reconnaissant à ces messieurs du cheval blanc d'avoir fait placarder ce portrait. C'est un vrai portrait, car il vous montre ce que je suis. J'ai fait ce chemin de fer, effectivement, et j'en ai fait beaucoup d'autres. J'en fais en Europe, en Asie, en Afrique. Oui, c'est un bon portrait, ajouta-t-il en passant sa canne à travers le papier et en le montrant à la foule. Sans cette pioche et ce chemin de fer, je ne serais pas ici, sollicitant votre suffrage, et je n'occuperai pas un siège à Westminster au mois de février prochain pour vous représenter, comme je l'espère bien avec la grâce de Dieu. Vous savez donc qui je suis, mais pouvez-vous me dire qui est M. Moffat ? Et l'autre vie, Roger ? Ah oui, l'eau de vie est le petit speech qui sort de ma bouche. Speech bien plus court et bien meilleur que celui que je vous adresse maintenant. Vous voyez que je tiens à la main droite une bouteille d'eau de vie. Eh bien, mes amis, je n'en suis nullement honteux. Tant qu'un homme travaille, et la pioche en est ici la preuve, il est juste qu'il ait quelque chose pour le réconforter. Je travaille encore, mes amis, et mes ouvriers peuvent vous l'attester. Eh bien, si je travaille comme eux, pourquoi ne boirais-je pas la goutte comme eux ? C'est vrai, Roger. C'est une bonne chose qu'une petite goutte, n'est-ce pas, Roger ? Cela réchauffe l'estomac, hein ? Quant à ce speech, allons, Jack, viens prendre une goutte. C'est aussi une très bonne parole. Quand je bois, j'aime à partager avec un ami, et quelque humble qu'il soit, je n'en ai pas honte. Hurrah ! Hurrah ! Cela est vrai, Roger. Et puissiez-vous toujours avoir une goutte pour vous rafraîchir le gosier ? On dit aussi que je suis un baronnet de fraîche date. Je n'en rougis pas non plus. Quand M. Moffat se fera-t-il créer baronnet ? Personne ne peut dire que j'en tire vanité. Je ne me mets jamais en avant, ma femme non plus, et je ne vois pas pourquoi j'aurais honte de ce que les gros bonnets du pays m'ont fait baronnet. Ni nous non plus, Roger, et nous serions tous baronnets si nous savions comment nous y prendre. Maintenant que je vous ai expliqué ce petit tableau, permettez-moi de vous demander qui est M. Moffat. Ses portraits ne manquent pas non plus, mais Dieu seul sait d'où ils sortent. Je crois que Sir Edwin Landseer a fait celui qui le représente avec le carreau. Il est si naturel. Regardez, le voilà. Ma parole, celui qui l'a fait devrait faire fortune aux expositions. Le voilà encore avec une grande paire de ciseaux. Il se fait appeler l'honneur de l'Angleterre. Que diable l'honneur de l'Angleterre a-t-il à faire avec le métier de tailleur ? Je ne puis vous le dire. Monsieur Moffat le pourra peut-être. Remarquez bien, mes amis, que je ne dis rien contre l'état de tailleur. Il y a sans doute des tailleurs parmi vous. « Oui, » dit une petite voix grêle au milieu de la foule. « Et c'est un bon état. Quand je suis venu pour la première fois à Barchester, il y avait des tailleurs qui auraient pu en remontrer à n'importe quel maçon. Je ne dis rien contre les tailleurs, mais il ne suffit pas à un homme d'être tailleur. Il faut qu'il soit autre chose avec cela. Vous n'aimez pas tellement les tailleurs. que vous en enverriez un au Parlement simplement parce que c'est un tailleur. Nous ne voulons pas de tailleur, nous n'en sommes pas encore là. Prenez une goutte d'eau de vie, Roger, vous êtes épuisé. Non, je ne suis pas encore épuisé. J'ai bien des choses à dire de M. Moffat avant d'être épuisé. Qu'a-t-il fait pour avoir le droit de vous représenter au Parlement? Il n'est pas même tailleur. Je voudrais qu'il le fût. Un homme a droit à l'estime, quand il a un état pour gagner son pain. Mais Moffat n'est pas tailleur. Il ne saurait pas faire un point pour accommoder l'honneur de l'Angleterre. Son père était tailleur, lui, mais pas à Barchester, ce qui aurait pu lui donner quelques droits à nos sympathies. C'était un tailleur de Londres. Or, la question la voici. Désirez-vous vous faire représenter au Parlement par le fils d'un tailleur de Londres? Non, nous n'en avons pas l'intention, nous ne le voulons pas non plus. Je le pense bien. Il vous a déjà représenté et qu'a-t-il fait pour vous? A-t-il dit quelque chose en votre faveur dans la Chambre des communes? Non, c'est un chien si muet qu'il ne peut même pas aboyer pour un os. On dit que cela fait peine de l'entendre balbutier un discours là-bas, au cheval blanc. Il n'appartient pas à la ville, il n'a rien fait pour la ville. Il est incapable de rien faire pour la ville. Que vient-il donc faire ici? Je vais vous le dire. Le comte de Courcy le met en avant. Il va épouser la nièce du comte de Courcy, car il est très riche, ce fils de tailleur. Seulement, on dit qu'il n'aime pas à dépenser son argent. Il va épouser la nièce de Lord de Courcy, et Lord de Courcy désire que son neveu soit membre du Parlement. Tels sont les droits que M. Moffat a au suffrage des habitants de Barchester. C'est le candidat de Lord de Courcy, et ceux qui sont dévoués corps et âme à Lord de Courcy peuvent voter pour lui. Ils ont ma permission. S'il s'en trouve assez pour l'envoyer au Parlement, la ville où je suis né est bien changée depuis ma jeunesse. » Et terminant ainsi sa harangue, Sir Roger rentra dans l'auberge et alla se réconforter à sa manière. Tandis que ces choses se passaient au Dragon de Wantley, les partisans des deux Courcy entendaient au cheval blanc un discours plus politique peut-être, mais moins concis et moins énergique que celui de Sir Roger. M. Moffat était un jeune homme, et l'on ignorait à quel degré d'éloquence il pourrait encore parvenir, mais jusqu'ici son talent comme orateur avait été à peu près nul. Aussi était-il venu à Barchester muni d'un discours qu'il s'était fait faire et qu'il avait appris par cœur. Mais le grand jour arrivé, quand M. Moffat essaya de prendre la parole, il lui sembla qu'il était entouré d'ennemis plutôt que d'amis, et il en voulut beaucoup à M. Netherwind de ne pas avoir su mieux arranger les choses pour lui. « Habitant de Barchester, » dit-il d'une voix qu'il essayait de rendre forte, mais dont, au bout de deux ou trois mots, le diapason reprenait sa faiblesse habituelle, « Habitant de Barchester, électeur et non-électeur, nous sommes tous électeurs, mon petit cabri, nous le sommes tous. Électeur et non-électeur, je viens solliciter votre suffrage. Ce n'est pas la première fois. Oh! Nous vous avons déjà mis à l'épreuve. Nous savons de quoi vous êtes capable. Continuez, petit. Ne vous laissez pas intimider. J'ai eu l'honneur de vous représenter au Parlement pendant les deux dernières années et... Et vous avez diablement travaillé pour nous, n'est-ce pas? Que pouviez-vous attendre de la neuvième partie d'un homme? Dit une autre voix dans la foule. N'importe, petit. Continuez. Ne vous laissez pas intimider. Tenez-vous ferme à votre cire et à votre fil, comme la neuvième partie d'un homme. Mais tâchez d'aller un peu plus vite. Pendant les deux dernières années, et à bout d'éloquence, c'est-à-dire de mémoire, M. Moffat se tourna vers ses amis pour implorer leur secours. L'honorable George, qui était auprès de lui, murmura à voix basse qu'il s'en était crânement tiré. Et je m'en suis crânement tiré, dit d'un air très sérieux M. Moffat, qui, dans sa confusion, répétait les paroles qui lui étaient suggérées. « Hourra, c'est vrai, vous êtes un crâne représentant. Très bien, petit, continuez toujours. »« Je suis un réformateur zélé, » continua M. Moffat, un peu rassuré par l'effet des paroles que son ami venait de lui souffler. « Un réformateur zélé, continuez donc, petit, nous savons tous ce que cela veut dire. Un réformateur zélé... « N'importe votre zèle, continuez donc, petit, dites-nous quelque chose de nouveau. Nous sommes tous réformateurs, tous. » Le pauvre M. Moffat était fort embarrassé. Il n'était pas facile de dire quelque chose de nouveau à de pareils auditeurs, harcelés par eux comme il l'était. Il se tourna donc envers son honorable conseiller et l'implora du regard. « Dites-leur quelque chose de leur fille, » lui dit George, dont les prouesses oratoires n'avaient jamais d'autre sujet. il eût tout aussi bien fait de lui conseiller de parler de la météorologie. Messieurs, reprit l'infortuné candidat, vous savez tous que je suis un réformateur zélé. Au diable, votre réforme! Retournez à votre carreau, petit! Vous n'êtes pas fait pour une pareille besogne. Retournez au château de Courcy et tâchez de le réformer. M. Moffat devenait de plus en plus embarrassé de toutes ces plaisanteries. Quant à neuf, il est à craindre qu'il ne fût pas frais. Lancé avec une dextérité désespérante, vint l'atteindre en pleine poitrine et se crever sur sa chemise bien blanche. C'est une excellente chose qu'un œuf quand il est servi à point, mais il n'ajoute guère à l'éloquence et au courage d'un homme quand il est administré de cette façon. Il est vrai qu'il y a des orateurs que cet argument d'un nouveau genre ne réduirait pas au silence, mais M. Moffat n'était pas de ce nombre. À mesure que le fluide jaunâtre pénétrait sous son gilet, il sentait que tout pouvoir de persuader les électeurs lui était refusé pour le moment. Comment reprendre quelque confiance, quelque énergie et même sa bonne humeur, tandis qu'un œuf pourri séchait dans ses vêtements? Il se vit donc forcé, quoique bien à contre-cœur, d'abandonner la partie, et d'un air triste et décontenancé, il se retira de la fenêtre d'où il s'était adressé à la foule. Ce fut en vain que l'honorable George, M. Netherwind et Frank essayèrent de le faire revenir à la charge. Il ressemblait à un coq vaincu qui a perdu tout courage et qui ne se relève que pour retomber. Il y mit même de la mauvaise volonté et finit par envoyer au diable Barchester et ses habitants. « Comme il vous plaira, » lui dit M. Netherwind, « mais cela ne nous assurera pas leur vote. » À vrai dire, il importait peu que M. Moffat prît la parole ou non, car l'heure fixée pour la fermeture du scrutin approchait rapidement. Vers 3h30 environ, des efforts surhumains avaient été tentés par un émissaire fidèle de Netherwind pour prouver à M. Reddy Palm que si M. Moffat était nommé député de Barchester, il en résulterait les plus grands avantages pour l'auberge de l'Ours Brun. Il va sans dire qu'il ne fut pas question d'argent. La probité des habitants de Barchester demeura intacte d'une pareille souillure. Mais on donna à entendre à Reddy Palm qu'un cabaretier serait appelé à remplir un grand emploi dans le service public. Il fut question d'un vaste établissement où la bière devait couler à flot pour le peuple, et personne mieux que M. Reddy Palm n'était capable de le diriger. Seulement, il était nécessaire pour cela qu'à la session prochaine, M. Moffat prît possession de son siège au Parlement comme député de Barchester. Mais M. Reddy Palm avait des goûts plus modestes. C'était un homme dont l'ambition se bornait à voir ses petits comptes soldés. C'est quelque chose d'extraordinaire que l'amour d'un publicain pour l'intégralité du montant de ses mémoires. On vous apporte un compte de 5 ou 6 livres sterling. Vous ne vous plaignez que d'une seule chose. Ce feu, dans votre chambre à coucher, dont on vous réclame le paiement, n'a jamais été allumé. Ou ce second verre de punch n'a même pas été demandé. Vous priez qu'on retranche le schling, mais vous détruisez tout le bonheur de votre hôte. Oh, mes amis, payez le verre de punch, quoique vous ne l'ayez jamais bu. Payez même le feu qui ne vous a jamais réchauffé. Pourquoi détruire le bonheur d'un homme pour si peu de choses? À 5 heures, le maire de Barchester proclama le résultat du dépouillement des votes ainsi qu'il suit. Scatcherd, 378, Moffat, 376. Les deux votes de M. Reddy Palm et de son fils avaient tranché la question. M. Netherwind partit immédiatement pour Londres, et ce soir-là, le dîner ne fut pas des plus gais au château de Courcy. Cependant, avant de se séparer, le comité jaune du Cheval Blanc avait décidé qu'on adresserait une pétition au ministre pour obtenir une enquête. M. Netherwind n'avait pas sommeillé, et il savait déjà comment on s'était pris pour apaiser les scrupules de M. Reddy Palm.